Bilan de mi-saison avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, évidemment, on est à 41 matchs de jouer cette saison. Le Canadien est au dernier rang de la Ligue nationale. Qui l'eût cru quelque part, là? Tu sais, c'est assez spécial pareil. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessés. Il y a eu la COVID. Il y a eu toutes sortes de situations. Marc Bergevin n'est plus l'entraîneur-chef, plus directeur général. Toutes sortes de situations, mais. Néanmoins, que moins d'un an, c'était la frénésie. On était en finale de la Coupe Stanley, là. C'est assez spécial pareil, là. Ouais, mais c'est sûr et certain que tu sais, d'une saison à l'autre, Voilà. on peut pas comparer les saisons. Ça démontre que des fois, tu peux être si près de gagner une Coupe Stanley, mais être si loin en même temps lorsque la nouvelle saison commence. Tu sais, ben, on faut pas trouver des excuses, mais quand même là, tu commences ta saison sans Carey Price, tu commences ta saison sans Shea Weber, qui sont quand même deux leaders, puis c'était deux pièces importantes là, du Canadien la saison dernière. Alors, avec toute la liste des blessés qu'on a vus, c'est sûr et certain que là, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit 32e, on ne s'attendait pas qu'il soit premier non plus. Alors, c'est clair, c'est clair. Ta plus grande déception, c'est qui? Chez le Canadien, sur Ouais, cette saison? ouais. Ben, écoute, moi, je pense que dans l'ensemble d'équipe, moi, je suis déçu de ceux qui sont pas là. Tu sais, moi, je suis déçu d'un Weber qui... Bon, mais il est blessé. Non, mais je vais t'expliquer. Je suis déçu de la façon qu'il gère son dossier à lui. OK. Moi, là, on a déjà parlé, Danny, là, le gars, là, il est le capitaine du bateau. Le bateau s'en va frapper l'iceberg, puis le capitaine du bateau, il saute dans le canot, puis il s'en va. Pour moi, c'est inacceptable. Le gars, là, il n'a pas officiellement annoncé sa retraite. Ouais. Il n'est pas à l'entour de l'équipe. Il n'est pas là pour. Écoute, là, tu te rends finale à la Coupe Stanley, là. La saison d'après, au premier match, quand il présente les joueurs au Centre Bell, il n'est pas là. Quand ils prennent la photo d'équipe, il n'est pas là. Puis là, quand l'équipe va mal, quand il devrait être à l'entour de l'équipe, c'est ton leader. Quand il devrait parler à Suzuki, il devrait parler à Caulfield, il devrait parler à Romanov, il devrait parler à Ouais. tous les jeunes, de les expliquer. Qu'est-ce qu'ils doivent faire face, puis qui n'est pas là. Moi, je trouve que c'était une situation inacceptable, mais ça, c'est une déception. Maintenant, du côté des joueurs, tu sais, là, on avait tellement d'attentes avec Caulfield, on pensait qu'il serait le sauveur. Là, on s'aperçoit que quand il tombe dans une saison régulière de 82 Ben, c'est matchs, pas la même que situation, là, hein, c'est pas la même situation. L'année passée, il était inspiré, il était sur une vague, que ça avait bien été sa saison il jouait pas personnelle juste à. sur le. Il jouait, il a fait aussi qu'il jouait pas sur le premier trio, Oui, mais tu sais, les attentes, t'as pas les mêmes, là. Ouais, c'est Danny. ça. Là, il arrive, pas de pression, puis tout. Là, on s'aperçoit qu'après ça, c'est pas évident. J'aime pas l'attitude de Petrie présentement, qui a beaucoup de langage corporel. Le gars, il a plus l'air d'être heureux d'être à Montréal. Tu sais, Gallagher, c'est la même chose. On s'attendait à beaucoup de lui. Il est blessé, il joue frustré. Alors, c'est tout un ensemble qui fait que c'est pas facile pour personne cette année à Montréal. OK. Y a-t-il une surprise? Y a-t-il quelque chose qui t'a surpris? Moi, je pense que Romanov est quand même joue quand même du bon hockey dans les circonstances. On voit la lumière au bout du tunnel. C'est pas facile dans une situation comme ça. Est-ce que t'as une surprise là-dedans quand Ben, c'est le fun, Romanov, parce que finalement, ils lui font confiance. L'année passée, même? en série, Ouais. chaque erreur être coûteuse, Ouais. alors que là, dans une saison régulière normale de 82 matchs, tu vas être plus permissif avec un joueur, tu vas plus vivre avec ses erreurs pendant une saison régulière qu'en série. Alors l'année passée, il n'avait pas le droit à l'erreur, tandis que là, il laisse aller, il laisse s'épanouir, puis on voit que tu sais qu'il va devenir sûrement un bon défenseur. Mais moi, j'aime que malgré moi, là, tu sais quoi, Danny? Malgré les insuccès de l'équipe, moi, là, j'aime l'attitude de Suzuki. Ouais. J'aime la façon qu'il se comporte. Le gars se présente quand même à tous les soirs. Est-ce que c'est facile? Ben non, c'est pas facile parce que lui, souvent, il doit jouer contre les meilleurs trios adverses. C'est un jeune qui est quand même un jeune en devenir, là. T'sais, il est pas rendu à son plein potentiel, mais il démontre une belle maturité, je trouve. C'est un gars qui reste focus. C'est un gars qui perd pas, qui perd pas patience et tout. Alors, tu sais, moi, je trouve que la relève est belle du Canadien, mais là, avec tout ce qui se produit là, moi, je pense que la maison est ébranlée, comme je l'ai déjà dit. Moi, je pense que c'est le temps de recommencer à zéro. Même moi, là, Danny, là, Ouais. si j'étais l'équipe, là, on parlait là, qu'il voulait nommer un capitaine éventuellement chez le Ben, Canadien. Suzuki. Ben moi, ce serait Suzuki. Puis ça enverrait un message de dire, regardez, là, on repart la machine, on veut rebâtir avec des jeunes, on a une belle banque de choix de repêchage qui s'en viennent. On a quand même de bons jeunes. On met Suzuki là. C'est déjà arrivé. Hein? Eiserman était capitaine très Crosby, jeune. jeune. Crosby Crosby, était très. jeune. Alors, tu t'envoies un message de dire, regarde, on n'a pas le choix de passer par ce processus-là. Et notre capitaine, il est là pour les 8 prochaines années. Ça va être Suzuki, puis c'est à lui qu'on fait Ben confiance. écoute, surtout que t'en vois-tu d'autres, même de ça? Ben, des potentiels présentement, c'est difficile, là. Ouais, t'sais. Honnêtement, tu sais, on aurait pu penser à un Petrie, un Gallagher, mais Gallagher, il n'est même pas capable de parler à un arbitre sans le crier après. Ouais. Petrie, il semble démotivé d'être à Montréal. Fait que C'est pas un moi. Joel Edmondson qui est quand même semble quand même un joueur intéressant là, pour le. Mais tu sais, c'est Oui, pas. mais Danny, Ouais. tu ne peux pas nommer un capitaine là. Tu ne sais même pas s'il va être encore avec l'équipe à la Exactement. période des échanges. Tu Ouais. ne peux pas nommer un capitaine là qui est sur la liste d'échanges. Suzuki, lui, n'est pas sur la liste. On s'entend là-dessus. Ouais, Mais exactement. tous les autres peuvent être potentiels d'être échangés. Ça sert à quoi de nommer Ben non, c'est Edmondson sûr. la semaine prochaine capitaine puis tu l'échanges dans 2 semaines? Ouais, c'est ça. Donc, au moins, c'est intéressant. Moi, écoute, Romanov est quand même une belle surprise, une belle addition. Puis le reste, ben, il n'y a pas. Pezzetta, peux-tu dire que c'est un bon. Ça reste un plombier pareil, là. Ben non, puis il n'est pas établi encore à Oui. 100%. Tu sais, c'est un Ouais. gars qui va. Et c'est un gars qui ne sera jamais sur les deux premiers Non. trios, là. Non, ça va être Fait que un c'est pas joueur ton de futur, là. quatrième. C'est un bon complément. C'est un bon complément, mais c'est pas ton Non, futur, non, là. c'est un agitateur, tout simplement. C'est un gars qui va être là pour facilement sur le quatrième trio et suite. Comment t'as trouvé la conférence de presse de Ken Hughes? On s'est pas reparlé depuis ce temps-là. Écoute, moi je suis déçu que je te l'ai dit, je suis déçu que ce soit pas Patrick, mais il faut en revenir, hein? Que c'est pas Patrick, là. Moi, j'ai été agréablement surpris. Puis ce que j'ai aimé là-dedans aussi, c'est que. T'sais, on savait que les Canadiens ne se fiaient pas beaucoup aux stats avancés. C'est sûr que les stats avancés, faut en prendre, en laisser. Faut pas juste gérer par ça. Par contre, il faut quand même en tenir compte dans le hockey de 2022, là. Est-ce que t'as aimé ça, le fait que comment t'as trouvé Ken Hughes? Ben écoute, moi là, avant ça, Danny, là, je le connaissais pas, même si je trempe dans le monde du hockey. Ouais. Moi là, dans sa firme, lui, là, Ken Hughes, moi, je Ouais. faisais affaire beaucoup avec Philippe Lecavalier, qui est un OK. gars qui travaillait dans la firme avec lui. Alors, j'ai jamais eu affaire à lui, puis je le connaissais pas vraiment. Comme toi, c'était pas mon choix, là. Tu comprends-tu? Comme toi, Patrick Roy, moi, aurait été mon choix, sinon Mathieu Darche, puis on peut descendre sur la liste, puis il n'aurait pas été dans les tops que je voyais. Par contre, moi, je suis du même avis que toi. Moi, j'ai bien aimé son attitude, j'ai bien aimé sa vision, j'ai bien aimé comment il est. Puis, depuis le jour 1, Danny, là, depuis que Gorton a été embauché, Bah, on c'est lui. sait très bien que c'est lui qui va mener le département hockey. Ça, on le savait. C'est un secret qui était mal caché, là, admettons. Alors, ça démontre une chose, c'est qu'en allant chercher un gars comme Hughes, ça démontre que le hockey maintenant, là, la job de directeur gérant, ce n'est plus seulement échanger des joueurs, Non. amener des nouveaux joueurs, se départir des joueurs. Il y a un autre aspect qui est devenu très, très, très important et majeur, c'est la gestion des contrats. C'est la gestion du plafond salarial. Ça, c'est rendu quasiment primordial dans toute négociation et dans tout échange. Alors, c'est pour ça que ça te prend un gars comme lui, qui connaît les joueurs, qui connaît les échanges, qui connaît les contrats, la valeur des joueurs et tout. Alors, moi, je pense que Gorton était chercher un bon complément à lui. Puis en plus, ben, le gars est compétent, puis c'est son chum à Gorton. Fait que moi, je vais dire une chose, si j'étais le directeur général, moi, si j'étais celui qui décide, qui j'embauche, puis j'aurais la possibilité entre deux gars aussi compétents un que l'autre, puis l'un des deux, c'est mon chum, je t'annonce que j'aurais fait la même décision de Gorton, j'aurais engagé mon chum. Ah, écoute, c'est une game de chum aussi, Marc. On n'a pas d'histoire, là. Dis-moi qui tu connais dans ce milieu-là. C'est ça. C'est très bien, je t'apprends rien là-dessus. Moi, j'ai été impressionné par ça. J'ai été impressionné. Est-ce que c'est une nouvelle mode? Parce qu'Émilie Gastonguay a été a été quand même aujourd'hui, c'est lundi, nommée directrice adjointe. Je suis très content pour elle. Moi, je trouve par contre que je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis je trouve que les médias québécois en ont mis un peu. Elle n'a quand même pas été nommée directrice générale officiellement. Oh ouais, Donc, puis tu sais, à Montréal, moi, ouais. là, regarde, j'ai vu tout de suite le lendemain un article. Ça n'a pas de bon sens. Le Canadien, ils l'ont pas passé en entrevue. Puis regardez, elle s'en va signer à Vancouver. Hey, ça fait quoi, ça? Ouais. Ça fait, c'est pas à chaque fois qu'il y a un Québécois qui s'en va ailleurs, là. Pourquoi qu'on est tout le temps en train de dire on l'a échappé? On l'a pas échappé, là. Tu sais, eux autres, là, ils ont passé 11 candidats, là. Ouais. T'sais, à un moment donné, là, tu passes pas la planète au complet, là. Mais non, c'est Eux autres, sûr. ils ont passé les candidats qui pensaient qu'ils auraient le plus de potentiel. Si pour eux autres, Émilie Castonguay n'était pas là-dedans, ça fait quoi, ça? T'sais, mais c'est Exactement. pas parce qu'elle a été engagée à Vancouver que tout d'un coup, ils ont perdu une perle rare. Là, tout d'un coup, elle aurait dû être nommée présidente du Canadien, là, parce qu'elle s'en va à Vancouver. Moi, Ça je trouve marche pas, là. que, tu sais, pas été nommée directrice générale adjointe, là, directrice générale, donc je trouve que là, on en a mis un peu. Quel joueur va partir à Montréal? Est-ce que, à la date limite des échanges, moi, on voit au moins 4-5. Je vois Lekkonen, ça semble. Chariot Lekkonen, c'est évident. J'espère que Tyler Toffoli devrait être, selon moi, devrait être un joueur également, parce qu'il coûte pas cher, pas tellement cher pour ce qu'il peut te donner. Il y a trois. T'en vois-tu d'autres? Ben, Danny, Petrie, peut-être. Petrie, je pense pas, là, son contrat. si, Danny, c'est pas dur, là. C'est Ouais. pas dur. Si tu veux vraiment, là, suivre ta ligne de conduite puis rebâtir cette équipe-là, là, sont toutes disponibles, Ouais, sauf Suzuki. à part Suzuki, Caulfield puis Romanov, admettons. Puis Parce que là, il faut que Kevin tu sois quand Goulet, même. Goulet, Goulet, je pense pas que ce Ouais, soit. ouais, ouais. Non, mais c'est Ouais. correct. On parle Ouais. de ceux qui sont dans l'équipe présentement. Les autres, Danny, là, t'essaies de te débarrasser le plus possible de tes gros contrats, même s'il faut que tu retiennes de l'argent. Parce que c'est ça qui va venir te hanter pour les 4-5 prochaines années. C'est tes gros contrats parce qu'ils vont t'empêcher de pouvoir jouer avec ta masse salariale parce que Exactement. tu vas toujours être à côté à cause de ces 5-6 gars-là. Puis là, on parle de Price, on parle de Gallagher, puis on parle de Weber qui devrait annoncer sa retraite. Mais tous tes gros contrats, là, si tu es capable de les laisser partir en retenant une partie de leur salaire pendant mettons, les 2 prochaines années ou whatever, tu n'as pas le choix d'essayer de faire un ménage parce qu'il faut que tu prépares ton équipe dans 4-5 ans d'ici. C'est pas dans 2-3 ans. On s'entend là-dessus, le Canadien, les 2-3 prochaines années, ça sera pas bon. Ouais. Fait que aussi bien de faire ton sacrifice maintenant puis d'essayer d'aller chercher les joueurs qui vont avoir les meilleures valeurs, de débarrasser des joueurs qui ont les meilleures valeurs, ou bien de débarrasser des gros contrats. Ben, un gars comme Lekkonen, je pense qu'on est capable d'avoir un choix de deux. Les journalistes disent un choix d'un. Il faut quand même pas charrier quand même. Hein. Ben, ça dépend, Danny, Ouais, ça dépend dépend toujours de ce qui qu'est-ce que était payé. l'équipe est. Mais moi, je le laisserai aller, Ben c'est ouais, sûr. c'est Hey, sûr. c'est pas, on parle pas d'un gars des 2 premiers trios, là, Non, non. on parle d'un plombier de luxe, là. Ouais, après ça, Chariot, je pense qu'on est capable d'avoir un choix de première ronde. Après ça, les autres, ben on verra. Hey, je veux te parler de Connor, des Oilers d'Edmonton. Ça va pas bien encore à Edmonton. Penses-tu que Connor McDavid va demander à être échangé à un moment donné? Non, non, non, non. Tu peux pas. Ouais, Quand, mais hey, Danny. lui va demander, je te parle pas de les Oilers vont l'échanger, mais lui pourrait demander à être échangé. Non, non, Danny. Non? Si tu fais ça, là, tu démontres que t'as pas de caractère. OK. C'est à toi d'enlever la concession. C'est toi le joueur concession. Ouais. Alors, c'est à toi. Tu peux pas parce que ça fait pas ton affaire puis tu gagnes pas. Ben là, je veux m'en aller. Je suis pas Ben content. On gagne pas. ouais. Non, non. C'est à toi de. Tu penses-tu que c'était facile pour Crosby les premières Non. années ou ben Ouais. pour. Tu comprends-tu? Quand tu veux te rendre jusqu'en haut, là, Danny, j'ai toujours dit une chose. Avant d'apprendre à gagner, il faut t'apprendre à perdre. Ouais. Puis ça, là, t'apprends pas à perdre, c'est aussitôt que tu perds, tu commences à pleurer puis tu veux t'en aller. Puis je pense pas qu'il fait ça. Honnêtement, je suis vraiment surpris que. Oui, il peut être mécontent. Puis oui, il peut rentrer dans le bureau puis dire, regardez, boys, là, ça marche pas, là. Ça nous prend, je sais pas moi, ça nous prend plus de caractère dans l'équipe. Ça nous prend un Ouais. meilleur défenseur. Ça nous prend. Ouais. Ça, il peut aller dans le bureau puis dire ça. Qu'est-ce que lui, sa vision à lui. Mais il t'aura pas là. Je vais être le gars le plus surpris au monde si Connor McDavid rentre dans le bureau puis il demande d'être échangé. OK. On vient à Émilie Castonguay. C'est une belle nouvelle, ça. Penses-tu que c'est une nouvelle tangente? Qu'on va avoir des agents venir? Je pense. Oui et non, tu sais, parce que Émilie avait quand même pas un gros. Tu sais, Pat Brisson ira jamais comme directeur général. Il a un portefeuille d'un milliard. Dormir, même chose. Ça va dépendre des agents. Émilie, je pense que c'est quoi? C'est Alexis Lafrenière, son gros joueur? Non, c'était. Non, Ouais. c'est Antoine Roussel, je pense. C'était Antoine Roussel, son gros joueur. Lafrenière. Puis Lafrenière, oui, Lafrenière aussi. Mais penses-tu que c'est une nouvelle tangente? Je pense que oui. Je Berzicco en pense que oui. Floride a quand même fait une bonne job. Ouais. Ouais, moi, je pense que oui. On est rendu là, le Danny, là. Moi, là, je pense que. Moi, je pense une chose, OK? Et je veux juste qu'on fasse attention, là. C'est pas parce que là. Tu sais, là, on sait lorsqu'on est rendu dans la société, là, tout le monde veut que ça soit égal, puis ces affaires-là. Moi, j'ai aucun problème que ce soit égal, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes à quelque part. Si, Incompétent. là, si et seulement si les compétences sont là pour les deux, là. Mais là, si on commence à donner des postes, parce que là, on veut démontrer que, regarde, nous autres, on fait notre part, puis on engage des femmes parce qu'on veut démontrer que ça marche pas, là. Mais moi, je suis d'accord, Émilie Castonguay est compétente. Fait que si elle a les compétences, là, puis elle était sur la liste, puis c'est elle qui a passé, moi, je suis très content, très, très content qu'elle soit avec les Canucks. Puis j'espère que ça va ouvrir d'autres portes. J'espère que ça va ouvrir d'autres portes, mais à compétences égales. OK. Dernière question. La Ligue junior du Québec, il y a des rumeurs qui circulent. J'ai Alain-Étienne Cartier, qui est le descripteur des l'analyste des sénateurs d'Ottawa à la radio, mentionne que la Ligue junior du Québec songerait à revenir, même si on avait dit au départ qu'il faut accueillir 50% des spectateurs. As-tu entendu parler de quelque chose? Je sais que tu es impliqué avec les remparts. As-tu entendu parler que ça reviendrait, que les remparts reviendraient et la Ligue junior reviendrait quand même? Ben, je pense que présentement, il y a une réflexion. Honnêtement, oui, je suis relié avec les remparts, mais je suis pas dans les secrets des dieux, là. Mais je sais que ça fait pas nécessairement plaisir, là. Parce que nous, là, à 50%, là, dans des amphithéâtres de 4 000 sièges, 3 000, 4 000, 5 000 sièges, Danny, ta rentabilité est pas là à 50%, là. Parce que nous, là, on dépend beaucoup des recettes des billets vendus à la porte. C'est primordial, ça, dans ton budget. T'sais, on n'a pas assez de gros commanditaires qui viennent nous appuyer pour qu'on puisse juste se fier à nos commandites. Alors, à 50 %, là, il y a des équipes qui arriveront pas, là. Alors, c'est Batters, moi sûr je pense qu'il à y a un gros. Batters, je pense à, écoute, Batters, je pense à Victoriaville, je pense à, ou même au Saguenay, Cataracte de Shawinigan, tu peux quasiment toutes les nommer, ils sont toutes là. Même les remparts, Ben, les veux pas, je remparts crois pas. aussi, Danny. Ouais, ça, je te disais, même les remparts. Tu tombes de 8 000 personnes à 4 000 personnes, là. 4 000 qui sont pas là, c'est des revenus importants, là. Alors, pour toutes les équipes, peu importe, c'est que tu aies les reins solides ou non, là, parce qu'il y a des équipes que, à fin de l'année, là, à pleine capacité, il y a des équipes qui arrivent serrées, Danny, là. Il y a des Exactement. équipes qui arrivent pas, là. Il y a des déficits à toutes les années, là, avec certaines équipes à pleine capacité. Fait que, imagine-toi donc à moitié. C'est Alors. un gros enjeu, là. Effectivement, effectivement. Marc, on se reparle bientôt. Fait plaisir, Danny. Collaborateur.